les cimes, dans l'éclair obscur des sous-bois, quatre silhouettes se dessinent et s'effacent quand le ciel rougeoie. Dans le sillage des quatre fées, le moindre brin d'herbe frémit, perle du matin, perle de rosée. Quand le ciel rougeoie.